Chapitre 10e, la vieille chouette. On avait installé Madame Baladier dans une confortable bergère avec un oreiller sous sa tête. « Ah, arrivez donc, mon cher blessé, » dit le docteur. « Maman, » ajouta-t-il en s'adressant à Madame Baladier, « je vous présente la victime de mon auto, M. Aristide Fouinard. »« Aristide, dit Toto, » ajouta Fouinard en saluant, à la mode du grand chic, les épaules relevées et la tête basse. « Ah, monsieur, » dit Madame Baladier, souriant et montrant de larges dents assez blanches, que j'étais heureuse d'apprendre que votre accident n'aurait pas de suite grave. Je sais trop ce que c'est que d'être impotent, et à votre âge, c'eût été un désastre. » La voix était sèche, raide pour ainsi dire, l'amabilité y grinçait. « Déjeunons, » fit le docteur, « on se fera des mamours après. » Madame Baladier faisait face au docteur et Berthe à Fouinard, qui avait un appétit d'enfer. C'était Berthe qui faisait les honneurs, avec une grâce exquise. Très aimable, Fouinard s'enquit avec intérêt de la santé de Madame Baladier. Combien il était heureux d'apprendre qu'enfin un traitement énergique avait eu raison de son malaise. Pour n'être pas en reste de gracieuseté, elle parlait théâtre. Oh, il y avait bien longtemps qu'elle n'y allait plus. Mais jadis, avec M. Baladier, c'était une de ses passions. Elle avait vu le tour du monde, et Passepartout était joué par le créateur, Alexandre, et puis par Pougot. Que vous avez fait oublier, à ce qu'il paraît. Alors, fit-elle en fixant sur Fouinard ses yeux qui en effet étaient ronds, et à la fois profonds et vides, comme ceux d'une chouette, vous aimiez beaucoup jouer à la comédie? Elle avait détaché le mot, comme si elle eût dardé une flèche. Que voulez-vous? Dit Fouinard en riant. Chacun a sa bosse. C'est ce que je disais au docteur qui nie énergiquement que la configuration du crâne soit pour quelque chose dans les aptitudes des gens. J'ai beaucoup étudié la question, dit le docteur, et je me suis convaincu qu'il n'y avait là que fantaisie et parti pris. Ah, docteur, vous, un homme si savant. Tenez, je vais vous donner une preuve irréfutable que votre arrêt est injuste. Qu'est-ce qu'un acteur? Un imitateur, n'est-ce pas? Qui ne fait que simuler des sentiments, imiter de jeux de physionomie, reproduire des types. Eh bien, vous allez voir. On avait touché au dessert et Julien dressait le café. Madame Baladier était impassible, avec de temps à autre son sourire qui divisait ses lèvres minces comme par un coup de sabre. Fouinard s'était levé, était allé prendre sur une console la tête phrénologique qui avait été apportée selon les instructions qu'il avait données. Il la posa sur la table. « Tenez, docteur, voyez ici, sur le sommet de cette tête, en arrière, la case qui porte le numéro 25. Lisez, imitation. Maintenant, madame, tâtez-la sous mes cheveux à la place indiquée. Si vous ne trouvez pas la bosse, je consens à perdre mon nom. » Il s'était baissé, mettant presque un genou à terre, offrant sa tête aux doigts longs et blancs de Madame Baladier. « Ah oui, oui, maman, » fit Berthe amusée et battant des mains. « Dis-nous si c'est vrai. » Raidie dans son fauteuil, la face mauvaise, parce que sans doute cette familiarité, d'ailleurs déplacée, il faut le reconnaître, lui déplaisait. Elle hésitait. « Oh, je t'en prie, maman, » répéta Berthe. « C'est si amusant de croire qu'on a son caractère écrit sous ses cheveux. » La voix était claire, sincère, avec au-dessous du rire jeune. Brusquement, comme par une détente, les doigts de Madame Baladier se posèrent sur la tête de Fouinard et fouillèrent ses cheveux. Il saisit le poignet, guidant la main. « Là, vous y êtes, madame. La sentez-vous, la fameuse bosse ?»« Parfaitement, » dit-elle d'un ton bref. Fouinard se releva, le dos tourné au docteur, et plongea son regard aigu dans les deux yeux de la mère. Ils étaient profonds, vides, sans une lueur. Seulement, dans les cheveux du jeune homme, la main s'était crispée, et il avait senti les ongles. Le docteur regardait, sans comprendre. Alors Fouinard posa sa main sur le sommet de la tête de plâtre peint. « Donc, j'ai la bosse du théâtre, c'est évident. Il suffirait d'un simple accident pour me la faire perdre, une chute sur la tête, provoquée par votre auto-docteur, ou encore une blessure. » Tout en parlant, il avait pris son couteau et, le dressant, en avait posé la pointe sur le sommet du crâne. Par exemple, un coup, ceci, et de la paume de sa main, il frappa sur le manche du couteau d'un heurt sec, un éclat de plâtre sauta. « Et ceci suffirait, » dit-il, « pour que je ne fusse plus bon à rien. » Il regardait Madame Baladier, et instantanément, dans les yeux ternes et vides, un éclair passa comme une fulguration de fureur et de haine. « Et avec tout cela, » dit Berthe, très doucement, « vous avez détérioré cette belle tête, et vous laissez refroidir votre café. » Madame Baladier reprit, souriante, « Vous nous restez quelques jours? Oh non, madame, je pars avec le docteur, tout à l'heure. Il veut bien me reconduire à Paris avec son auto. Non, non, vous ne ferez pas cela. Restez encore à dîner ici. Tenez, si vous y consentez, je ferai encore l'effort de venir jusqu'ici. Vous ne pouvez refuser. Berthe insista elle aussi. Elle était tout heureuse de voir l'intérêt que sa mère prenait, ce qui était bien rare de sa part, à la conversation de quelqu'un. « Oh, docteur, » fit-elle, « insistez donc, vous aussi. » Le docteur, troublé, les yeux fixes, semblait ne pas entendre. Une horreur l'envahissait, des idées encore imprécises flottèrent dans son cerveau. Fouinard, sous la table, lui allongea un coup de pied qui dissipa sa torpeur. Il se rappela les dernières paroles prononcées. « Oui, oui, » balbutia-t-il, « je vous en prie, dînez avec nous. »« J'ai trop mauvaise grâce à me faire prier, » dit Fouinard. « Justement, j'ai un peu fatigué ma jambe qui, bien que remise, me fait encore un peu mal. Je vais me reposer. Voyons, docteur, offrez-moi un bon cigare, et pour ne pas enfumer ces dames, descendons au jardin. » « Je descends quelques instants, » fit le docteur d'une voix qui avait peine à sortir de son gosier. « Vous resterez ici, madame Valadier ?»« Non, non, Berthe me reconduira chez moi. J'attends quelqu'un. Mais, » il eut un sourire à l'adresse de Fouinard, « je reviendrai pour le dîner. » Les deux hommes marchaient dans le jardin. « Voyons, » dit le docteur avec un effort, « je sais que d'après nos conventions, je ne dois vous demander aucune explication. Pourtant, vous brûlez du désir de savoir à quoi tendait cette scène de phrénologie. En effet, je ne comprends pas. Docteur, un mot d'abord. Admettez-vous que les enfants soient tenus pour responsables des fautes, des crimes même de leurs parents ? Certes non. Je trouve cette idée injuste au premier chef. C'est un point acquis. Maintenant, laissez-moi vous parler en toute franchise. Depuis la disparition de votre chère femme, la solitude vous pèse. Votre cœur est vide. Vous vous sentez désemparé dans la vie. Vous avez auprès de vous une créature charmante, bonne, désintéressée, qui, avec une grâce exquise, tient dans votre maison la place de celle que vous avez perdue. Et déjà, vous avez songé à la lui donner tout entière. Taisez-vous, vous me faites mal. Je le sais, mais il le faut. Peut-être même aviez-vous eu le dessein de vous ouvrir franchement à elle de vos intentions. Mais l'effroyable découverte que vous avez faite vous a bouleversé. D'horribles soupçons ont germé dans votre conscience. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, docteur, je vous jure, vous entendez bien, je vous jure que Mademoiselle Berthe est digne de toute votre estime, de toute votre attention, et que vous pouvez revenir à vos anciens projets. Un crime atroce a été commis, oui. Elle en est à la fois innocente et ignorante. Avant 2 jours, je vous en donnerai la preuve. Une preuve irréfragable et terrible. Ah, merci. Mais qui a commis le crime ? Vous le savez donc ? Fouinard saisit le bras du docteur. « Vous le savez aussi. Laissez-moi faire. »